Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est un contour de l'exo. R.I.G. 90.7. Bonsoir tout le monde. Je suis un peu embêté parce que aujourd'hui je ne peux pas enregistrer puisque Internet fonctionne mais la FM ne fonctionne pas. Donc on va essayer de faire comme on peut. Je ne peux pas enregistrer l'émission mais je suis sûr que ça pourra marcher comme ça. Vous me permettez deux secondes, j'ai quelqu'un en ligne, je lui parle et je reviens. Avance. J'ai eu plein d'appels pour me dire que ça ne fonctionnait pas et qu'il faudrait faire autrement, mais on ne peut rien faire pour l'instant. Donc on va faire sur Internet. Je résume, c'est Live in Japan, l'album de la semaine, et puis je l'ai fait deux ou trois fois cette émission, et puis finalement je me suis laissé tenter. Ça va être un live complet, que du live, avec Harrison, Starr, McCartney, Lennon, les Beatles en live. Donc on se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et vous avez le droit à un live. Voilà, c'est décidé presque au dernier moment, c'est la troisième version qui a fait qu'on est arrivé en live. Et juste pour les gens d'internet, c'est-à-dire 90% au moins des auditeurs, nous avons cette saga des Fab Four numéro 497 qui commence maintenant avec While My Guitar Gently Weeps en live, George Harrison sur Live in Japan. Why my guitar can't keep me? passe très fort. George Harrison, son dernier concert enregistré, et encore non, il n'était même pas enregistré, c'était en 74. Alors autant vous dire qu'en 92, lorsque Eric Clapton l'a forcé à faire des concerts au Japon, il n'était pas chaud, mais ça, il s'en est très bien sorti. Voici Ringo Starr sur RG. Coming up the drive, listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for you knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? Ticking on the mantel shelf. I see the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, and why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. Cause you know. Si je peux vous conseiller un album live de Ringo Starr, si vous voulez seulement du Ringo Starr sur l'album, c'est l'album VH1 Storyteller de 1998, dans lequel il s'éclate, puisqu'il commente comme j'aurais pu vous laisser passer toutes ses chansons avant de les interpréter. Il donne des anecdotes dessus. Et c'est vraiment très, très, très, très, très sympa. Voici maintenant Paul McCartney, puisqu'on va faire le tour. Il y a George Harrison, Ringo Starr, McCartney dans quelques instants, et ensuite ce sera Lennon. McCartney avec au Live at Ameba, je ne sais pas trop comment on dit, A-M-O-E-B-A, en 2007, Matchbox. Oui, en principe, c'est pas lui qui la chante, mais là, cette fois, si. Rock'n'roll sur RG Internet seulement. Big dog. is everywhere. And thank you to late great Carl Perkins for writing that one. Carl Perkins also wrote Blue Suede Shoes. Yo. Right there. Two classics. Quelle voix! John Lennon, à l'instant, surérigé dans le seul live qui nous est laissé après la séparation, celui qu'il avait fait en 1972, qui est sorti en 86 sous le nom de Live in New York City. Et vous l'avez également sur la compile qui est sortie en 2020 avec un son meilleur. La compile, c'est Give Me Some Truth, la version deluxe sortie en 2020. On reste dans le rock and roll avec les Beatles. Là aussi, c'est une version qui a été remixée par rapport à ce qu'on a entendu au début. Au début, le son était complètement couvert. Les derniers concerts des Beatles, fin vers 66, étaient complètement couverts par les fans hystériques. Et là, pour le film qui se passe à Hollywood Bowl, Live at the Hollywood Bowl, eh bien, c'est Eight Days a Week, non ? Le film, j'ai un doute. Ron Howard a fait remixer tout ça et ça donne un son plutôt propre. On entend quand même bien les filles qui crient, mais on entend le son des Beatles et ils chantaient juste. Et ça, c'est bien. She's a woman. Vous entendez le tapis de voix derrière ? C'est des filles ! C'est des filles ! Peut-être les garçons un peu aussi. Les Beatles sur RG. Mais ce sera plus tard, John. Vous êtes bien sur RIG. Nous émettons seulement sur le www.rigfm.fr, mais on vous promet que ça va revenir bientôt. Tout le monde est sur le pied de guerre pour essayer d'arriver à réparer ça. Mais comme vous êtes au moins 90% des gens à écouter sur Internet, eh bien, tant mieux. Tant mieux pour vous, les 90%, les 10%. Ils auront le podcast parce que je finirai par l'avoir. Aujourd'hui, comme on est un petit peu en fin d'année Beatles pour la saga, eh bien j'ai finalement décidé de vous faire une spéciale que du live. Mais on reste quand même aussi dans les règles habituelles. Pour bien vous conseiller sur tout ce que l'on peut savoir sur les Beatles, il faut par exemple vous diriger sur le site de Lovely Rita. Qui est Lovely Rita ? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga. Retour à l'album de la semaine, Live in Japan, If I Needed Someone. George Harrison, aidé par les copains et l'orchestre d'Eric Clapton. En 1968. 1992 sur le fantastique album Live in Japan. Et dire que cette chanson est restée très longtemps parmi les pirates, on va dire. Moi, je l'avais, mais je n'avais pas trop le droit, en principe, de vous la proposer. Jusqu'à ce qu'enfin, en sortant le Red Rose Speedway version archive, il nous ait proposé ce titre-là, qui date de 1972, qui, jusqu'à présent, jusqu'à récemment, n'existait pas officiellement. Et qu'est-ce que c'est bien ! Qu'est-ce que j'aime cette émission ! Qu'est-ce que j'aime John, Paul, Ringo et George ! Vous voulez qu'on continue dans le rock and roll ? Allez, on y va ! Les Beatles avec du bruit derrière, les filles qui hurlent. Vos grands-mères, messieurs, dames, Dizzy Miss Lizzy. Sing a song, which was our record before this last one. Hang on. The song is called A Ticket to Ride. Ticket to ride. She's got a ticket to ride. j'ai un petit peu de mal à imaginer. Je suis allé quand même à quelques concerts. Il y a du bruit, mais pas comme ça. J'ai eu du mal à imaginer les filles dans ces années-là, les années 60, dire le lendemain « Alors, t'es allé au concert ? Oh ouais, c'était génial. Je sais pas, j'ai rien entendu. Mais t'as plus de voix. Oh, non, je suis à fond complet. Complet, voilà. Mais c'était super. » Thank you. Merci. Vous me demandez ce que je fais avec aucun batteur ou quoi que ce soit, mais il se trouve que mon dernier orchestre, eh bien, je l'ai quitté ou elle m'a quitté. Je vais essayer de vous chanter une chanson que vous devriez connaître, ça s'appelle Imagine. C'est John Lennon qui dit ça. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. RIG, www.rigfm.fr. Ce soir, c'est la saga en live. cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Carnet avec sa meilleure voix de l'univers en 1979. C'était Rock for Kampuchea. We'd like to do a song now from the first film we made. And it was in black. Le premier film qu'ils ont fait, A Hard Day's Night, suivi de Help. Toujours The Beatles at the Hollywood Bowl, ressorti en 2016 avec un son meilleur. On entend plus les Beatles que sur le son d'origine. Great. And it's called Hard Day's Night. It's been a hard Thank you very much, everybody. We'd like to do another film song now, but from a different film. Because we've made two, you know. Who's that man on the right? Go away with that light, will you? Oh, thank you. It's also our latest record over here. That means it's a new single. and it's a nice little ditty called Help. L'ambiance survoltée des années 60 pour revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Live in Japan de 1992 par George Harrison et son pote Eric Clapton. Et nous en sommes à un morceau beaucoup plus calme. Isn't it a pity? RIG 90.7 en temps normal, www.rigfm.fr, c'est la radio des Beatles. Thank you. concert de louanges bien mérité sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four au sujet de cette chanson, Isn't It a Pity, le Hey Jude de George Harrison. Et oui, et d'ailleurs, si vous reprenez l'écoute du, par exemple, Concert for George, on entend les chœurs faire la la la la la la la la la la la, Isn't It a Pity. Et oui, écoutez bien, vous m'en direz des nouvelles. Et comme je vous ai dit qu'il y a eu plusieurs versions de cette saga pour aboutir finalement à une saga seulement en live, j'avais préparé des covers, et une cover de Brian Wilson et une cover de Danny Harrison qui sont restés dans la programmation. Brian Wilson nous chante My Sweet Lord et Danny Harrison, le fils de George, Savoy Truffle. Toutes les deux sont extraites de l'album George Fest. George Fest qui est sorti en 2016. Un album qu'adore Jean-Philippe Harrison, je le sais. Donc la cover, Brian Wilson sur RG.

Jam version Deluxe. Et on reste dans le Deluxe du bruit avec Long Tall Sally sur At the Hollywood Bowl. Sur RIG. RIG, c'est www.rigfm.fr. C'est la saga des Fab Four numéro 497. Bientôt la 500e, ce sera le 16 juin. Alors parlez-en autour de vous, la 500e va durer 4 heures. Je remercie mon ami Eric, que vous entendrez tout à l'heure dans une grosse demi-heure avec son émission Johnny de A à Z pour les internautes. Et voilà, ce sera la 500e, 500 émissions sur RIG. C'est assez impressionnant. Et j'en ai fait beaucoup plus puisque cette émission existe depuis 1984. L'album de la semaine, Live in Japan, 1992. Et c'est Cheer Down, George Harrison sur RG. Cheer down. When the smile n'arrête plus, puisque Eric arrivera bientôt avec son émission Johnny de A à Z. Voici Ringo Starr sur Live at Soundstage, photographe sur RG. Il y aura encore Never Without You, extrait du même album. Ringo Starr en live, il est bon aussi le bougre. Every time I see your face, it reminds me of the places we used to go. But all I've got is a photograph, and I realize you're not coming back anymore. I thought I'd make it. Night. très belle chanson d'hommage de Ringo envers son pote George Harrison. On va terminer l'émission bientôt, plus qu'un gros quart d'heure, avec un petit retour dans le passé des Beatles à la BBC, enregistré en live. Je vous propose Some Other Guy pour débuter. À la BBC avec Kansas City, hey, hey, hey, hey, sur RIG. terminer ce concert. Got My Mind Set On You, George Harrison, toujours en 92, sur le Live in Japan, avec son pote Eric Clapton. Et à propos d'Eric, tout à l'heure, Eric dans Johnny de A à Z. what's the matter? He said, come on over. I said, do I have to? And he started shaking, my wrist started aching. When my doctor said to me, let me hear it. Oh my, my, you can boogie, you can slide. Oh my, my, you can boogie if you try. Oh my, my, it's guaranteed to keep you alive. She blew it just like a tornado. When they started dancing, I jumped off the table. My lips started healing, and as I was leaving, this is what they said to me. Chanter souvent cette chanson, ça vient du live at the Greek Theater, at the Greek Theater en 2008, mais même si cette chanson n'est sortie, enfin cet album n'est sorti qu'en 2010. On se quitte avec un morceau doux, I Saw Her Standing There sur RIG. rester jusqu'à 22h avec ce spécial live vraiment pratiquement improvisé hein, au dernier moment pour la saga des Fab Four numéro 497. N'oubliez pas, dans 3 émissions, la 500e, le 16 juin. Je compte sur vous, soyez là, parlez-en autour de vous, partagez la photo de cette 500e. Merci, et dans quelques instants, ce sera Eric qui sera à la fenêtre aussi pour Johnny de A à Z. À très bientôt, salut.